leurs enfants. Peu à peu de la foule sort un messie souffrant. Il fait don de ses larmes, de sa sueur, de son sang pour préparer le temps. Qui tue les incroyants, car tous les troupeaux paissent, courbant les chines sans cesse pour nourrir le berger. Car les troupeaux ont faim d'absolu et de bien pour produire du bon lait. Transforme en juge. Peu à peu les pêcheurs leur bâtissent un refuge. Le peuple y vient fervent honorer les martyrs et apprendre en geignant qu'il faut se bannir. Car tous les troupeaux paissent, comment les chines sans cesse pour nourrir le berger. Car les troupeaux ont faim d'absolu et de bien pour produire du bon lait. Dans des palais somptueux, tout ce qui intercède entre nous et les cieux. L'étalage des richesses, la parade, leur messe impressionne les dévots. Les mystiques, les idiots qui adorent une kermesse. Car tous les troupeaux paissent, comment les chines sans cesse pour nourrir le berger. Car les troupeaux ont faim d'absolu et de bien